Suzanne et la comtesse commencent à travestir Chérubin. Puis, Suzanne sort un instant de la chambre de la comtesse pour aller chercher une de ses toilettes destinées à Chérubin, et elle emporte le manteau du page. Mais voici que survient le comte et qu'il trouve fermée la porte de la chambre de la comtesse. Chérubin a juste le temps de s'enfermer dans le cabinet de toilette attenant à cette chambre.